Va pas faire le type qui squatte les histoires de malade, évite de faire des salades trop, les petits te parlent trop. Boum boum, des droits de ta gueule. Et puis tu repars, effectivement, je suis un bâtard, pas une bouca qui sort du stock pour les cons, des nucières. Plaque, plaque, poteau, sois cool, faut que tu desserres, bâtard. Stop tes vieilles plaques sur les rap, ça craque. Qui tu braques, toi, en te mettant à l'aise, tranquille. Pas style, toi, allez, cool, marbouille, tu découvres la vie pendant que Sarko te marquille. Ça tire du face à qu'on s'acquit. Les plus savent pousser les pires dans les cartes à sac. Moi je dis place et des bombes. Là c'est des cons à la mine. C'est la France qui nous contamine. Pop pop, à bas les portes. Nique la police en miséricorde. Croque. Moi je dis place et des bombes. Là c'est des cons à la mine. C'est la France qui nous contamine. Pop pop, à bas les portes. Nique la police en miséricorde. Croque. La vue d'un keuf le retardé. Ils ont pas de couilles, sont décalés. Mec, la hagra s'en est allé. En retentant, sont détalés. Veulent faire les steaks, sont décalés. On se fait serrer, sont déballés. Chez nous, à peine 17 balais. Et ça bicrave, tu n'es pas allé. Je rêve d'une pente dans mon lit le soir. On le prête sur ma zik. Après mon kiff, je dis rouille. Monsieur Sarkozy, peut-être voudrait se rallier à ça. Mec, marié à ça, ça rappe ça qu'il a rouille. Moi je baisse l'état, moi je les baisse tout. Juste imagine un sort où le hasard fait qu'on douille. Moi je dis yes ou pas, moi je les fuck tout. Le son c'est pour les potes qui sont au taux, les pour moi rouille. Moi je dis place et des cons, là c'est des cons à la mine. C'est la France qui nous contamine. Pop pop, à bas les portes, nique la police en miséricorde. Croquin. Moi je dis place et des cons, là c'est des cons à la mine. C'est la France qui nous contamine. Pop pop, à bas les portes, nique la police en miséricorde. Un pirate, considère anti-pillage. Un voleur, un petit pillard. Un bandit aux deux visages, un rageux. Un mec de test, un barjo, un dalleux. Un mec qui veut grave, un dollar. Un gros joueur de billard. Ne me compare pas avec les types qui gravent. Avec les types qui gravent. J'encule les flics qui bravent. J'ai tué tous mes flics, shooté les fils de pute. J'suis un arabe et j'pose avec des pits qui fight. Oh, t'as pas compris qui était le best dans la tôle. Les bonhommes disaient tu vas tout bien à des. Oh, t'as pas compris qui était le best dans la tôle. Les bonhommes disaient tu vas tout bien à des. Moi j'dis place et des cons, là c'est des cons à la mine. C'est la France qui nous contamine. Pop pop, à bas les portes, nique la police en miséricorde. Croquin. Moi j'dis place et des cons, là c'est des cons à la mine. C'est la France qui nous contamine. Pop pop, à bas les portes, nique la police en miséricorde. Croquin. C'est des cons à la mine, c'est la France qui nous contamine. Pop pop, à bas les portes, nique la police, en miséricorde, grand gars.